j'aurais tant à changer cette vie-là. Cette vie-là. Contre de l'argent, prospérité, une putain de villa. J'ai pas voulu de cette chaîne de vie, chaque jour je m'astreins à la prendre comme elle vient. Nécessité aujourd'hui, mais demain j'espère pouvoir vivre bien une autre vie. On veut, j'avoue, réaliser les rêves que j'avais. Hier, aujourd'hui, demain, je veux pas finir les poches gonflées par le vent. Tu sais, on essaie de s'en sortir comme on peut. Je croise les doigts et demain j'espère qu'enfin tout ira mieux. Ici c'est trop morose, les tours embrassent le ciel, nous voilent le ciel, nos pères tuent à la truelle, les fils tombent pour faute peu véniel. Les mères élèvent leurs filles comme elles peuvent pour pas qu'elles dérivent. Obstéqués on les plans, plus respect et évanescent, marre de voir dans les yeux de mes frères ce qu'ils ressentent vraiment une péto. Et en guise cartable les voir trimballer un sale plastiquino. Tes problèmes face aux miens, c'est de la piste de chat, de la merde de chien. J'ai grandi dans une pièce vétuste, dans l'indigence, ou à 5 on se partageait le pain, ou à 5 on se contentait peu. Aujourd'hui rien n'a changé, toujours paria, promiscuité, terre à terre, mon langage truculent, je transpique la réalité, mes yeux, parfois humidifiés, mon cœur souvent tuméfié. Cette vie j'aimerais la bonifier, je me disais le soir en regardant le ciel, plein de pourquoi à l'omniscient, peiné trop de rancœur. Alors j'ai juré de sortir d'ici, je sais combien j'y mets le cœur pour voir naître des périodes fastes. Une autre vie comme Sam Beckett, faut même pas que j'imagine faire banqueroute cette vie. Je l'aurais extirpé avec mes laïus engagés, la guine frappe comme un boxeur poids lourd, je la mettrais KO. Avec la semence noire indélébile, je lâche sur mon cahier. Je veux le butin, pas de catin qui porte des strings et voile en satin. J'aimerais changer de vie et ce sans faire pacte avec Satan. J'ai pas voulu de cette chaîne de vie, chaque jour je m'astreins à la prendre comme elle vient. Nécessité aujourd'hui, mais demain j'espère pouvoir vivre bien une autre vie. On veut, j'avoue, réaliser les rêves que j'avais. Hier, aujourd'hui, demain, je veux pas finir les poches gonflées par le vent. Tu sais, on essaie de s'en sortir comme on peut. Je croise les doigts et demain j'espère qu'enfin tout ira mieux. Vivre une autre vie, bercé par d'autres rêves. Loin d'ici sur une autre rive et pas attendre sagement que la vie nous crève. Une autre vie sans soucis, pas comme dans celle-ci. Une autre vie sans sursis, mais regarde ce que ça suscite. Les jeunes se trucident, les vieux suicident. Une autre vie sans ces constants homicides. Une autre vie bien plus paisible, loin de ces gens nuisibles qui m'entourent et perturbent mon quotidien. Quitter cette villa pour une autre, en fait c'est qu'on j'y tiens. Ça se rattache à peu de choses, ma famille et les gens qui m'entourent. Même si ma vie n'est pas rose, je te promets que ça vaut le détour. J'entrerai pas dans les détails, rien que les semble qu'on a fait nos tours. Nos disques qu'on a bossé pour, résultat un travail trop lourd. Et tu veux que je quitte tout ça, laisser ces souvenirs derrière moi. Changer de vie c'est vrai j'en rêve, mais je croquerai pas celle-ci qu'on croit. Abandonner son passé c'est bien souvent plus dur qu'on ne croit. Donc tu veux que je fasse quoi, sur tout ça tracer une croix. Mais souviens-toi, à tes cas c'est le crew qui prend du poids. Abandonner sa vie et laisser tout derrière soi, c'est bien souvent ce qu'on souhaite lorsqu'on donne plus qu'on reçoit, lorsqu'on sait plus qu'on ressent. J'ai pas voulu de cette chaîne de vie, chaque jour je m'astreins à la prendre comme elle vient. Nécessité aujourd'hui, mais demain j'espère pouvoir vivre bien une autre vie. On veut, j'avoue, réaliser les rêves que j'avais. Hier, aujourd'hui, demain, je veux pas finir les poches gonflées par le vent. Tu sais, on essaie de s'en sortir comme on peut. Je croise les doigts et demain j'espère qu'enfin tout ira mieux. J'ai pas voulu de cette chaîne de vie, chaque jour je m'astreins à la prendre comme elle vient. Nécessité aujourd'hui, mais demain j'espère pouvoir vivre bien une autre vie. On veut, j'avoue, réaliser les rêves que j'avais. Hier, aujourd'hui, demain, je veux pas finir les poches gonflées par le vent. Tu sais, on essaie de s'en sortir comme on peut. Je croise les doigts et demain j'espère qu'enfin tout ira mieux. Tu vois, gars, changer cette vie là, cette vie là, contre maille, prospérité, putain de villa. Tu vois, prestige, gars, demain tout ira mieux. S'en enfin, sortira une autre vie, percée par d'autres apocalypse. Rêves, gars. Apocalypse, ATK, là. 9-9, ATK, ATK, là.